cœur. Si on fait les pailles, hey, c'est qu'on a les jazz. Tu veux du bif, hey, mais t'as d'autres les caisses. Plein les gaz, on a les jizz. Le temps, c'est du bif. Marche crève, hey, crève, la bouche ouverte. J'ai seul des familles, des hey, qui partent pour rien. Va aller chez ta chatte, trop noir, hey, j'parle pour rien. T'as intérêt à tenir ta langue, hey, on la coupera. Mais pas le nez dans mes affaires, hey, où ça te coûtera. C'est vice versa, on vise le top, on posture. La vie est dure, MC, donc on vise vers toi. Car tellement la paix, je ramasse l'MC à la paix. T'as wow, mic, hey, au P, quand on m'appelle. Poto, pète le pilon, que je pilote, que je me veux, je le pilote. J'arrive pile poil pour Ken sans copilote. Ici ça posture, comme sans craindre. Rastos, les flics, comme